بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. On continue l'explication et la traduction du livre Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, la lumière de la foi qui guide vers le chemin droit, un livre de l'imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, avec une explication de Cheikh Fawzan, Salih ibn Fawzan, Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. La semaine dernière, on avait parlé de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une intercession qui lui était propre. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des intercessions qui lui étaient propres, comme la grande intercession, ou comme quoi d'autre comme intercession? Non? L'intercession envers son oncle Abu Talib, non? Ça c'est le maqam al-Mahmoud, ce qu'on a dit, c'est la grande intercession qui est de demander que l'heure ou que le jugement commence, Ahsant, et l'intercession pour que les gens du paradis entrent au paradis et que les portes du paradis puissent s'ouvrir. Et il y a des intercessions qui, elles, sont communes, c'est-à-dire qui ne sont pas propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais des intercessions que pourront demander d'autres personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on s'est arrêté à ce chapitre. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء أن لا يدخلوا النار أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم منها يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع الصالحون فيشفع لهم بالدعاء والتضرع إلى الله بإخراجه من النار فيتقبل الله شفاعته ويخرجه من النار وهذه الشفاعة في أهل الكبائر خاصة بأهل الإيمان. Il y aura des intercessions qui seront communes, des intercessions qui seront communes, et cette intercession concernera ceux qui auront commis des grands péchés parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui, de par ses péchés, mériteront d'être châtiés en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ainsi que les autres prophètes, ainsi que les vertueux, intercéderont en faveur de ces pécheurs, afin qu'ils n'entrent pas au paradis, afin qu'ils n'entrent pas à Fouan en enfer. Et s'ils y sont, c'est-à-dire si Allah azza wa jalla a décrété qu'ils doivent aller en enfer, et qu'ils doivent y être châtiés, alors ils intercéderont en faveur de ces personnes afin qu'Allah Azza wa Jal les fasse sortir cette fois-ci de l'enfer. Et ceux qui intercéderont, ce sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes ainsi que les vertueux. Comment sera leur intercession? Leur intercession seront des invocations et des humiliations devant Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah Azza wa Jal les fasse sortir de l'enfer pour ceux qui y sont entrés, et qui les épargne de l'enfer pour ceux qui n'y sont pas encore entrés. Et Allah Azza wa Jal acceptera leur intercession et fera sortir de l'enfer tout croyant, même s'il a commis des grands péchés. Et ceci concerne uniquement ceux qui ont commis des grands péchés, mais en étant musulmans. Ceux qui ont commis des grands péchés en étant musulmans, et ainsi un musulman ne pourra jamais rester éternellement en enfer. Un musulman, quel que soit le péché qu'il a commis, à partir du moment où il reste musulman, et lorsque l'on dit ça, il y a un péché qui exclut, qui est ash-shirk, qui est le polythéisme, l'idolâtrie, d'adorer une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce péché exclut la personne de l'enceinte de l'islam. Mais tout autre péché, eh bien, la personne qui le commet ne restera pas éternellement en enfer. Cela ne veut pas dire que son séjour sera de quelques jours, de quelques années, de quelques milliers d'années, de quelques centaines de milliers d'années, de quelques millions d'années. Allahu a'lam, c'est Allah Azza wa Jal qui décidera de cette durée, et Allah Azza wa Jal n'offense en aucun cas ses serviteurs. ثم قال المؤلف يخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما. Et ils seront, c'est-à-dire ils sortiront de par cette intercession après qu'ils eût été brûlés et être devenus de la braise ou du charbon, de la braise et du charbon. Donc ceux qui sortiront de l'enfer, parmi ceux qui ont commis des grands péchés et pour lesquels ils n'ont pas prononcé et accompli de repentir, eh bien, ils sortiront de l'enfer en étant brûlés et en ressemblant à de la braise et à du charbon. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. يقول الشيخ الفوزان الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر فلا تنفعهم الشفاعة عندهم ويقولون من دخل النار لا يخرج منها وهذا مذهب باطل بل من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا إنما يخلد في النار أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, dit quant à Al-Khawarij et Al-Mu'tazila, qui sont, comme on a vu, deux sectes en islam, ils ne croient pas à l'intercession que fera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que feront les autres prophètes ainsi que les vertueux envers les gens qui auront commis des grands péchés. Car Al-Khawarij et Al-Mu'tazila considèrent, eux, que celui qui fait un grand péché et mécréant, il sort donc de l'islam et ne peut donc pas bénéficier d'une intercession. Et il dit, celui qui entre en enfer n'en sortira jamais. Celui qui entre en enfer n'en sortira jamais. Et bien sûr, cette idéologie est fausse et elle contredit la vérité et l'idéologie et la foi et le dogme qu'ont les gens de la sunna, qui sont les gens de la vérité. Ils disent bien au contraire que celui qui entre en enfer et qui fait partie des gens du tawhid et qui font partie de ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils sortiront de l'enfer, ils n'y resteront pas éternellement, car ceux qui y restent éternellement ce sont uniquement les polythéistes et les non-musulmans, qu'Allah nous en préserve. Amma ahlu tawhid et les non-musulmans, na'am. Amma ahlu tawhid il mudhribun وأصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين وإما بنهاية عذابهم فيخرجون من النار كالفحم محترقين أو كالشيء الأسود من الاحتراق فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة فتنبت أجسادهم Quant aux gens du Tawhid qui ont commis des péchés, ceux qui ont commis des grands péchés, même s'ils vont en enfer par leurs péchés, ils n'y resteront pas éternellement et en sortiront, c'est-à-dire de cet enfer, soit grâce à l'intercession des intercesseurs ou soit par la miséricorde du plus miséricordieux des miséricordieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils sortiront car leur châtiment sera arrivé à terme, car leur châtiment sera terminé et la durée qu'aura décrété Allah Azza wa Jal se sera écoulée. Ils en sortiront donc, ils sortiront de cet enfer comme du charbon brûlé, comme une chose noire carbonisée par le feu, et ils seront jetés ou plongés dans un fleuve qui sera devant la porte du paradis, un fleuve qui est appelé le fleuve de la vie, et leur corps repousseront et repousseront et la vie reviendra à eux, puis une fois purifiés et une fois les corps intacts comme Allah Azza wa Jalla les a créés la première fois, eh bien il leur sera autorisé d'entrer au paradis. ثم يقول المؤلف رحمه الله فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. Ils entreront au paradis par son intercession. Et les autres prophètes et croyants ainsi que les anges auront également eux aussi des intercessions. Ils pourront intercéder. يقول الشيخ الفوزان في مثل هؤلاء هذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هي مشتركة يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الأولياء والصالحون ولكن لا بد من شرطين أن تكون الشفاعة بإذن الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان والشفاعة تطلب من الله لا تطلب من المخلوق فتقول اللهم شفع في نبيك وعبادك المؤمنين اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعبادك وعبادك المؤمنين تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. Pourront donc intercéder, c'est-à-dire les prophètes, les croyants, mais aussi les anges, en faveur de ces pécheurs. Et ceci, comme on l'a vu, est une intercession commune qui n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut que les deux conditions de l'intercession soient réunies, qui sont la première, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder, et la deuxième condition, c'est que les personnes qui vont bénéficier de cette intercession, qu'ils fassent partie des gens du tawhid. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des musulmans qui restent dans l'enceinte de l'islam. Et cette intercession doit être demandée à Allah et à personne d'autre. Cette intercession doit être demandée à Allah et à personne d'autre parmi les créatures. Celui donc qui veut demander l'intercession, qu'il dise « Oh Allah, fais que ton prophète et tes pieux serviteurs intercèdent en ma faveur. » Ou tu peux dire « Oh Allah, ne me prive pas de l'intercession de ton prophète, de l'intercession de tes envoyés et prophètes et de celle de tes serviteurs croyants. » L'intercession doit être demandée à Allah subhanahu wa ta'ala car c'est sa propriété. L'intercession est une chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala comme il le dit dans surat Az-Zumar subhanahu wa ta'ala les versets 43-44. Ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs ? Dis, même s'ils ne possèdent rien et sont dépourvus de raison, dis, l'intercession tout entière appartient à Allah. فهؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات ويطلبون منهم الشفاعة فعلهم هذا شرك الميت لا يطلب منه شيء والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء فيدعو الله جل وعلا لك وهذه الشفاعة تكون من الأحياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره. Ceux donc qui se dirigent vers des tombes et vers des morts pour leur demander l'intercession, ce fait et cet acte est considéré comme du grand polythéisme. On ne demande jamais à un mort. Le vivant, il est autorisé de lui demander l'intercession, à savoir qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. Et l'intercession a lieu où elle peut être demandée à un vivant dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Car dans l'au-delà, les gens seront ressuscités, donc ils seront à nouveau vivants. Pour cela qu'il sera autorisé le jour du jugement de demander l'intercession, comme il est autorisé dans cette vie d'ici-bas de demander l'intercession. Quand après la mort, après que la personne meurt, il est interdit de demander celle-ci à un mort, que ce soit une invocation ou que ce soit une intercession. فهؤلاء الذين يتوجهون للقبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتركبون أو يتبركون بتربتهم فعلهم هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته فالقبور لا يطلب منها شيء وإنما المشروع في القبور زيارتها من أجل الاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين هذا هو المقصود أما أن تزار من أجل طلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب الرزق أو الولد أو كف الشر الأعداء فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة وهذا هو الشرك الأولين الذي بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ceux donc qui se dirigent vers des tombes et qui demandent aux habitants de ces tombes l'intercession et qui demandent le secours à ces personnes et qui sacrifient des bêtes pour ces personnes, ou qui accomplissent des vœux pour ces personnes, ou qui considèrent ces personnes comme étant bénies, ou considèrent leurs dépouilles comme étant bénies, tout ceci fait partie du grand polythéisme. Un grand polythéisme qui, à cause de ce grand polythéisme, Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes pour le condamner. Et à cause de ce grand polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le combat dans son sentier pour l'exterminer et pour l'éradiquer. Les tombes, on ne doit donc rien leur demander. Mais ce qui est légiféré vis-à-vis des tombes, c'est de les visiter afin de réfléchir et d'invoquer envers les morts croyants. Ceci est le but. Quant à visiter ces tombes pour demander l'intercession, ou pour demander un secours, ou pour demander une pourvoyance, ou pour demander un enfant, ou pour demander le fait d'être épargné du mal d'un ennemi, tout ceci fait partie du grand polythéisme. Et c'est un péché qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas, sauf via un repentir sincère. Ceci est le polythéisme des premiers, de ces personnes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et qu'Allah Azza wa Jalla a décrit dans son livre saint en disant « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ » Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur fait ni mal ni bien, et ils disent « Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. الإمام القدامى رحمه الله dit et Allah عز وجل dit ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, et ils ne pourront intercéder qu'envers ceux qu'il agré, وهم من خشيته مشفقون, tout en étant pénétré de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'intercède qu'envers ceux qu'Allah azza wa jalla agréé, autrement dit les gens du tawhid. يقول الشيخ الفوزان يعني الملائكة هذا فيه إثبات الشفاعة للملائكة وأنها لا تكون إلا برضا الله عز وجل ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. C'est-à-dire les anges, ils n'intercéderont qu'en faveur de ceux qu'Allah Azza wa Jalla a agréés, ils, c'est-à-dire les anges. Et il y a dans ce verset la preuve que les anges eux aussi intercéderont le jour du jugement et que leur intercession ne pourra elle aussi avoir lieu que lorsqu'Allah Azza wa Jal en aura donné l'autorisation et lorsqu'Allah Azza wa Jal sera satisfait de celui qui bénéficiera de cette intercession, à savoir qu'il fasse partie des gens du Tawhid. Quant aux non-musulmans, Allah Azza wa Jal n'est pas satisfait de lui. ثانيا ولا وقال المؤلف ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين قال الشيخ الفوزان فكون الكافر لا تنفع شفاعة الشافعين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله عز وجل. الإمام ابن قدامة رحمه الله دي اي l'intercession des intercesseurs ne profitera en rien aux non-musulmans. الشيخ الفوزان دي le fait que les non-musulmans ne puissent bénéficier de l'intercession des intercesseurs prouve que les croyants, eux, pourront en bénéficier, bien sûr, en respectant les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. ثم قال المؤلف رحمه الله والنار والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. Et l'enfer et le paradis et l'enfer ont été créés et ne sont pas éphémères. C'est-à-dire que l'enfer et le paradis existeront pour toujours. Existeront pour toujours et ne connaîtront pas de fin. يقول الشيخ الفوزان مما يكون في يوم القيامة الجنة والنار وهما الداران الباقيتان الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين وهما مخلوقتان الآن ليس معناه أنهما تخلقان يوم القيامة بل هما مخلوقتان الآن كما قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين. Également, ce qui existera et ce qui sera présent le jour du jugement, le paradis et l'enfer, qui sont deux demeures éternelles. Le paradis qui est la demeure des pieux et l'enfer qui est la demeure des non-musulmans. Et elles existent maintenant et elles sont créées à l'heure actuelle. Il ne faut pas comprendre qu'elles seront créées le jour du jugement, mais elles sont créées actuellement et elles existent. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal concernant le paradis, il a été préparé pour les pieux et Allah Azza wa Jal a dit concernant l'enfer, il a été préparé pour les non-musulmans. ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم فإن شدة الحر من فيح جهنم فدل على أنها موجودة وأن الله جعل لها نفسين نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد ونفسا في الصيف وهو ما يجده الناس من شدة الحر فدل على أنها موجودة وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبه يعني سمعوا شيئا سقط فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إنها لحجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعرها فدل على أن النار موجودة الآن والجنة كذلك وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار دل على أنهما موجودتان ويفتح له باب من الجنة أو يفتح له باب من النار فدل على أنهما موجودتان فيجب الإيمان بذلك أنهما موجودتان الآن وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل. Et la signification de préparer, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a parlé de l'enfer et du paradis, en disant pour l'enfer, pour le paradis qu'il a été préparé pour les pieux et l'enfer qu'il a été préparé pour les non-musulmans, préparer, c'est-à-dire créer et opérationnel et existant. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous ressentez comme forte chaleur et comme fort froid ou comme froid glacial provient des souffles de l'enfer et la forte chaleur provient de fih jahannam, c'est-à-dire provient de la forte émanation de l'enfer. Ceci prouve que l'enfer existe et qu'Allah Azzawajal lui a accordé deux souffles, l'un en hiver et l'autre en été, et celle où le souffle en hiver explique le froid que les gens ressentent, et le souffle en été explique la forte chaleur que les gens ressentent en été, et cela prouve que l'enfer existe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons radiallahu anhum, et ils ont entendu le bruit d'une pierre ou le bruit d'un raisonnement comme une chose qui vient de tomber. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, savez-vous ce qu'est cela? Ils ont dit, Allah et son envoyé sont les plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une pierre qui a été jetée en enfer il y a de cela 70 ans, et maintenant elle vient d'atteindre le fond. Maintenant elle vient d'atteindre le fond, ou la fin de l'enfer. Ceci prouve que l'enfer existe, également que l'enfer existe, et le mort, lorsqu'il sera placé dans sa tombe, et que lui viendront les délices du paradis, où lui viendront les supplices de l'enfer. Cela prouve également que le paradis et l'enfer existent, et s'il était pieux, il lui sera alors ouvert une porte vers le paradis, et il verra sa place au paradis. Et pour celui qui était mauvais, eh bien il lui sera ouvert une porte vers l'enfer. Il pourra y voir la place qui l'attend. Cela prouve que le paradis et l'enfer existent au jour d'aujourd'hui, et qu'il est obligatoire de croire en cela et de ne pas croire que le paradis et l'enfer ne seront créés que le jour du jugement. وكذلك الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما إلى الأبد لا تفنيان ولا تبيدان وأهلهما مخلدون فيهما أهل الجنة مخلدون في الجنة. Et également, le paradis et l'enfer ne sont pas éphémères. Ils ne sont pas éphémères et ne connaîtront pas de fin. C'est-à-dire, ces deux demeures, le paradis et l'enfer, ont existé auparavant, et leur existence persistera jusqu'à l'éternité. Et également, leurs habitants y resteront éternellement. Les gens ou les habitants du paradis y resteront éternellement, et les habitants de l'enfer y resteront éternellement, selon les détails que l'on a cités, à savoir, concernant les gens de l'enfer, que ceux qui y resteront éternellement seront les non-musulmans. ثم قال المؤلف رحمه الله فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه. Le paradis sera la destinée de ses proches, c'est-à-dire des proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'enfer sera la rétribution de ses ennemis, c'est-à-dire les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان الجنة دار جزاء لأوليائه والنار دار عقاب لأعدائه جزاء على كفرهم. Le paradis est la demeure de récompense, ou une demeure par laquelle Allah Azzawajal récompensera ses saints, et l'enfer est la demeure de rétribution et la demeure de châtiment, et Allah Azzawajal par cet enfer châtiera ses ennemis, et ceci en retour de leur mécréance. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا مُخَلَّدُونَ وَالْمُجْرِمُونَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Puis l'imam de Qudama rahimahullah a dit, et les gens du paradis y resteront éternellement. Quant aux oppresseurs, ils seront dans le feu de la fournaise éternellement. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ. C'est-à-dire que ce châtiment ne sera jamais interrompu pour eux, et ils y seront en désespoir. وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Ils seront désespérés. يقول الشيخ الفوزان هذا من الأدلة على بقاء النار واستمرارها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون من رحمة الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك مالك خازن النار ليقضي علينا ربك طلبوا من مالك أن يشفع لهم عند الله في القضاء عليهم بمفارقة الحياة حتى يستريحوا يتمنون الموت الموت أم أمنيتهم والعياذ بالله ليقضي علينا ربك فما كان الجواب أو فماذا كان الجواب قال إنكم ماكثون يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. Ceci, c'est-à-dire ce verset, est une preuve que l'enfer restera. Et ceci pour l'éternité. Allah Azza wa Jalla a dit إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Les oppresseurs seront dans le feu de la fournaise éternellement. وَالْخُلُودِ Et l'éternité signifie le fait de rester à jamais et de ne jamais connaître de fin. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ Il ne sera jamais interrompu pour eux, c'est-à-dire le châtiment, et ils y seront en désespoir. C'est-à-dire qu'ils désespéreront de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jalla dit « وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ » Nous ne les avons pas offensés, mais ce sont eux les offenseurs. « وَنَادَوْ يَا مَالِكْ » Et ils appelleront « au Malik » Malik qui est le gardien de l'enfer. « لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ » Que ton Seigneur nous achève. Que ton Seigneur nous achève. Ils demanderont donc à Malik, le gardien de l'enfer, qu'il demande à Allah Azza wa Jal de les achever, de les tuer, afin qu'ils puissent se reposer et qu'ils puissent être épargnés de ce feu. Ils espéreront donc mourir. La mort sera ce qui sera, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, al-mawtu umniyatuhum. La mort sera ce qu'ils espèrent le plus et sera, comment dire, al-umniyah. Je ne sais pas comment traduire al-umniyah. Moi, ce sera leur... Non, c'est pas une préoccupation. Sera leur souhait ultime. Non, ce sera leur souhait ultime. La chose qu'ils espéreront le plus sera la mort. Sera de mourir afin de ne plus être victime et de ne plus subir ce châtiment douloureux, à savoir le châtiment de l'enfer. Et quelle sera la réponse de Malik, alayhi salam? إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون Il dira en vérité vous y demeurerez éternellement, c'est-à-dire que vous y resterez à jamais, vous y resterez pour l'éternité, et ceci afin d'accroître leur désespoir et le fait qu'ils n'espèrent plus la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Et dans certains exégèses, ils disent que Malik, alayhi salam, ne leur répondra pas de suite. Il y aura une longue période entre le moment où ils poseront la question et le moment où Malik, alayhi salam, leur donnera la réponse, et ceci également pour les châtier moralement. Et le fait qu'ils attendent, eh bien, cela va les faire espérer peut-être la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leur donnera peut-être une lueur d'espoir que peut-être le châtiment qu'ils subissent connaîtra une fin un jour. Mais la réponse de Malik, l'ange de l'enfer qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son ascension dans les cieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que cet ange ne souriait pas. Et Jibril alayhi salam a dit ainsi et Malik, il n'a jamais souri depuis que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Cela prouve que c'est un ange qui est dur et qu'Allah azza wa jal l'a créé avec cette dureté dont il usera sans aucun problème vis-à-vis des non-musulmans et de ceux qui resteront éternellement en enfer. وَيُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحٍ فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. Puis le même Qudam, rahimallah, a dit, et on apportera la mort sous l'apparence d'un bélier amlah. Qu'est-ce que l'amlah? Non, c'est un bélier, donc un bélier c'est un ovin. Mais amlah. Naam. C'est un bélier de couleur blanche et noire, mais dont le blanc est en plus grande quantité que le noir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de Eid al-Adha, ذَبَحَ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié deux béliers أَمْلَحَيْنِ, qui étaient justement أَمْلَح, à savoir dont la blancheur était en plus grande quantité que la noirceur. Donc la mort sera apportée sous la forme d'un bélier أَمْلَح, et il sera sacrifié, égorgé entre le paradis et l'enfer. Puis il sera dit, ô les habitants du paradis, éternité et plus de mort, ô habitants de l'enfer, éternité, plus de mort. يقول الشيخ الفوزان إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منها والمراد بالموت هنا ليس هو ملك الموت ملك الموت لا يموت ولا يذبح ولكن الموت يتصور يوم القيامة فيكون في صورة يتصور يوم القيامة في صورة كبش والله قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيانا وأشخاصا قادر على ذلك subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Fawzan dit, hafidhahullah, et lorsque les gens du paradis entreront au paradis et que les gens de l'enfer seront en enfer, l'on apportera la mort sous l'apparence d'un bélier amlah qui sera sacrifié entre le paradis et l'enfer. Puis il sera dit, ô vous les habitants du paradis, éternité, point de mort. Et dans d'autres versions du hadith, فَيَزْدَادُ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ, lorsque cela sera dit aux habitants du paradis, cela accroîtra la joie qu'ils avaient déjà. Et il sera dit aux habitants de l'enfer, éternité et point de mort. Et cela également, concernant les habitants de l'enfer, accroîtra le désarroi et le désespoir qu'ils avaient déjà, ou la tristesse qu'ils avaient déjà. À ce moment, lorsque la mort sera sacrifiée, eh bien les gens du paradis, de l'enfer, les habitants de l'enfer, désespéreront totalement de pouvoir sortir de l'enfer un jour. Et ce qui est voulu par la mort dans ce hadith, ce n'est pas l'ange de la mort. L'ange de la mort ne mourra pas et ne sera pas sacrifié. Mais c'est la mort qui, le jour du jugement, sera représentée par l'apparence d'un bélier. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire d'une chose abstraite, de faire de celle-ci une chose concrète qui a une apparence. Car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose, et rien n'est difficile pour lui. Subhanahu wa ta'ala. On aktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.